est assez important. Et petite information avant de commencer directement avec le thème du jour. Pour les étudiants qui sont en communication, qui ne sont pas les étudiants en sciences politiques, petite information administrative, je ne suis plus en charge des stages. J'ai réussi à me délester des stages. Et donc c'est Nadège Brousseau, qui est arrivée cette année au département, qui est en charge des stages en communication politique et de lobbying. Et vous aurez bientôt avec elle une réunion tant attendue sur les stages, pour ceux qui sont concernés. Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du rapport entre politique et télévision. Et plutôt que, je dirais, de faire de la théorie et de théoriser sur cette question pendant 2 heures, ce que je propose de faire, c'est de voir un petit peu l'évolution de ce rapport dans la première heure, de parler de cet enchevêtrement entre médias télévisuels, qui reste encore aujourd'hui le média dans lequel il faut percer en tant que politique. On l'a déjà vu ces dernières semaines. Et dans la seconde période, de consacrer cette période à une étude de cas. On va essayer de faire ça dans les temps, mais une étude de cas qui portera sur l'histoire médiatique, non pas l'histoire politique, du Front National en France. Alors comme on parle beaucoup du Front National, même si on est en Belgique, on va parler beaucoup des élections françaises cette année, en tout cas cette année académique. Et donc je pense qu'il est intéressant en tout cas de se pencher quelque peu sur la généalogie télévisuelle ou l'origine médiatique de ce phénomène et du Front National. Alors pour revenir d'abord à au contexte théorique, épistémologique, donc cette question de ce rapport très intime entre politique et télévision. Alors aujourd'hui, on a, je le disais tout à l'heure, un enchevêtrement du système politique et du système médiatique. On a déjà vu qu'il n'y a pas de fait politique sans reprise médiatique. On verra des exemples dans un instant. Mais du coup, les médias portent aujourd'hui une part de responsabilité dans la qualité de l'information politique. On a pas mal parlé ces dernières semaines, mais également, si on est critique, dans la dégradation de l'information des citoyens en matière de politique. Donc il y a une responsabilité, cela concerne les sondages, ou la manière dont on encadre les sondages, ou la manière dont on parle de politique, où on fait parler de politique à la télévision. Alors, il y aurait en tout cas, vous diront certaines chaînes de télévision, en fait la plupart des chaînes de télévision, des rédacteurs, vont dire, mais il y a une aversion aujourd'hui d'une bonne partie du public pour les questions politiques traitées de façon, je dirais, presque pure à la télévision. Donc des débats politiques purs, apparemment, il y a de moins en moins de place pour ça. Et donc malgré les tentatives visant à ramener en fait, le public vers cette information politique, l'évolution des médias se trouve de plus en plus affectée par la spectacularisation, par la primauté du visuel, par l'émotion, on en a déjà parlé, par le sensationnel, par la personnalisation, donc la personnification des campagnes, des débats, donc avec des hommes et des femmes politiques que l'on va mettre en avant, et également par le règne de l'anecdote, des petites histoires mises en boucle dans les différents, je dirais, dans différents formats médiatiques. Et donc, il y a un certain nombre de conditions qui encadrent justement cet accès à l'information politique. Alors, Roland Quayrol, qui est un politologue assez important, qui a marqué l'histoire de la communication politique au cours des dernières décennies, m'explique qu'il existe une série de conditions sociologiques et psychologiques de l'influence des médias. Et donc, il y a un potentiel médiatique à bien sûr influencer les citoyens dans les messages distillés et qui concernent bien sûr les affaires et l'actualité politique. Alors, il y a 2 concepts dont j'ai parlé, mais avant toute chose, je vais juste vous montrer quelques informations plus ou moins récentes qui datent de l'année dernière ou montre quand même justement cette importance des médias. Alors on parle beaucoup d'Internet, on parle beaucoup de l'information sur les, diffusée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'annonce déjà qu'on aura un guest speaker, un invité qui viendra parler de la communication politique en ligne, qui est en fait le responsable de la communication digitale du Parti Socialiste, qui viendra ici nous parler de cette stratégie-là. Alors ici, on voit que lorsqu'on pose la question dans des sondages, maintenant vous savez, je vais prendre ces sondages avec des pincettes, mais quelle est votre principale source d'information à propos des affaires politiques nationales? On voit que quand même, la télévision reste prédominante. Donc ça reste très important chez la plupart des citoyens, peut-être moins chez les jeunes. Même chose, en général, par quel moyen êtes-vous d'abord informé de l'actualité nationale et internationale? Par la télévision. Donc, bien sûr, sur Internet, mais il ne faut pas oublier que ce que vous allez trouver sur Internet, c'est souvent des formats découpés de émissions de télévision qui vont être diffusées sur les différentes plateformes, ce qu'on appelle le second écran, ou la seconde vie des contenus télévisuels. Et alors maintenant, ça c'est évidemment l'accès, maintenant il y a la crédibilité, il y a l'information à laquelle on croit. Et on voit que l'information qui provient de la télévision, elle est perçue, alors là ça se tient dans un mouchoir de poche, mais elle est perçue comme moins crédible que celle que l'on peut entendre à la radio ou découvrir dans son journal. Donc évidemment ça se tient sur sur quelques pourcentages. On voit que ce n'est pas le média préféré lorsqu'il s'agit de peser ou de juger la crédibilité d'une information. Alors c'est pour vous dire, mais voilà, quels sont les événements dont on a le plus parlé l'année dernière en France? Eh bien en France on a parlé en 69% dans les médias de l'affaire de la sextape de Valbuena qui met en cause Benzema, donc des footballeurs qui s'accusent mutuellement de s'être filmés, enfin on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est absolument pas intéressant, mais donc pour vous dire aussi que les sujets qui sont choisis par les médias, qui bénéficient d'une couverture médiatique forte, ne sont pas souvent les sujets, je dirais, qui ont le plus d'impact sur nos vies en tant que citoyens, ce sont plutôt de l'ordre du divertissement ou du fait divers. Alors, je vous en ai déjà parlé, et j'ai intégré ça au cours d'aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment intéressant et important de revenir sur ces deux concepts. Le concept d'agenda setting et le concept de framing, on en a parlé ces dernières semaines déjà. Mais donc, un petit rappel, le concept d'agenda setting, dans cette sélection d'informations, cette mise à l'agenda de l'information, c'est un concept qui a été formalisé il y a maintenant une quarantaine d'années, dans les années 70 par Maxwell McCombs et Donald Shaw, qui sont donc deux chercheurs en communication. Dans leur article, là vous verrez les informations dans les notes, mais il y a agenda setting function of mass media, donc la fonction d'agenda setting ou de mise à l'agenda des mass médias. Et donc c'est une théorie qu'on appelle parfois en français la fonction d'ordre du jour. Donc ce qu'on met à l'ordre du jour dans les médias, si on veut traduire vraiment en français ce concept-là. Et donc à travers une sélection quotidienne des informations, un filtrage, les éditeurs de JT, de journaux télévisés, ainsi que les directeurs d'information des chaînes de télévision vont exercer bien sûr une très forte influence sur l'attention que va porter le public à un certain nombre de thèmes. Donc les thèmes vont être présélectionnés. Et donc, il faut bien sûr garder à l'esprit que même si on peut démontrer que les médias exercent une influence sur ce à quoi le public pense, c'est-à-dire qu'on va vous proposer des sujets auxquels vous pouvez réfléchir, songer, et sur lesquels vous pouvez vous faire une opinion, c'est différent de dire que les médias vous disent la façon dont vous devez penser de ce sujet. Donc, on va vous dire ce à quoi penser, mais pas comment il faut penser de ce sujet. C'est pas exactement la même chose. Donc là, la sélection, c'est bien sûr la sélection des thèmes. C'est pas la façon dont on va vous dire de réfléchir à ces thèmes. Ça, c'est autre chose. Et pour reprendre une formulation, donc c'est en anglais, mais on va traduire, c'est « People think about what they are told, but at no level do they think what they are told. » Donc on leur dit à quoi il faut penser, mais on ne dit pas de la manière dont il faut en penser, ce qu'il faut penser de ces sujets. Donc pour comprendre la nuance, donc il y a la sélection, c'est l'agenda setting, et puis il y a le cadrage. Le cadrage, c'est le fameux framing, dont on a également déjà parlé ces dernières semaines. Donc, Là, c'est autre chose. C'est la manière dont un événement, un objet, une actualité est évoqué dans les médias. Et donc, on pourrait parler de cadrage, comme en photographie. Ici, vous avez une petite image qui circule relativement souvent sur les réseaux sociaux, donc pour vraiment expliquer c'est quoi le cadrage et l'impact que ça peut avoir, c'est un petit peu caricatural. Mais c'est le choix que l'on a en tant que journaliste, que média, de médias, pardon, d'inclure ou non certains aspects dans les éléments d'une image. Ça concerne bien sûr des images, mais ça concerne également une actualité, les angles choisis pour traiter d'une information. Donc c'est un terme qui, aujourd'hui, s'est un petit peu vulgarisé et qui porte, encore une fois, sur le choix des terminologies, le choix des concepts qui permettent de connoter des faits, de commenter une actualité qui vous est montrée. Donc là, effectivement, on va vous dire comment penser à cette... Donc comment envisager cette actualité. Donc là, il y a une dimension quasiment morale, donc une sorte de commentaire en temps réel de ce qui est diffusé en fait à l'écran. Donc voilà un petit peu pour ces deux concepts, mais c'était important de revenir dessus. Et donc, il y a une influence réciproque, bien sûr, des médias également entre eux. Les médias vont se contaminer, si vous voulez. On parle de intermedia agenda setting, de intermedia agenda setting. Donc, l'idée que, et vous le remarquez tous les jours, entre la sélection des thèmes dans le logiciel de RTBF et dans celui de RTL-TVI, il n'y a quasi pas de différence. Donc, il y a une sorte d'accord tacite dans la sélection des thèmes, parce qu'on n'a pas envie de louper quelque chose, et donc on préfère se calquer un petit peu sur cette sélection que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans les journaux, dans la presse écrite, que de parler de quelque chose de complètement différent. Alors, de temps en temps, vous avez un journal qui va vous dire, vous citez, ceci est une information RTBF. Donc, parce qu'ils sont les seuls à être dessus, ou les seuls à avoir sorti cette information. Donc, comme si c'était une sorte de révolution. C'est simplement, on vous dit, ah, là, on sort de cette intermedia agenda setting, de cette sélection collégiale d'informations. D'ailleurs, Pierre Bourdieu, bon, vous avez déjà entendu parler, il parle, enfin, vous savez, les concepts de Pierre Bourdieu sont toujours très riches, il parle de circulation circulaire de l'information. C'est pour vous donner un mal de tête, pour commencer ce cours, je pense que c'est important. Et donc, voilà un petit peu pour ces deux concepts. Vous avez retrouvé de façon les explications dans les notes, mais c'est important pour comprendre la suite. Alors, pour revenir maintenant vraiment à ce traitement de la politique ou du politique dans les médias et la télévision. Alors, jusqu'à présent, la plupart des études démontrent que la télévision constitue toujours, aujourd'hui, le véhicule privilégié des contenus pré-électoraux, c'est-à-dire dans une campagne de communication politique. La télévision reste le roi des médias, le roi des médiums pour faire passer des idées, pour faire passer ou pour monter en notoriété des personnalités politiques. Donc on a bien sûr la montée en puissance du web qui invite peut-être à plus de prudence par rapport à ce diagnostic, mais la télévision conserve toujours son rôle précisément dans cette communication politique et électorale du grand public. Alors là aussi, il faut peut-être insister sur un point important, c'est que certains pays, comme vous le savez, autorisent la publicité politique, et d'autres ont une vision extrêmement, je dirais, cadenassée de cette propagande, de cette publicité politique encadrée. Si vous prenez le cas des États-Unis, vous avez peut-être, pour ceux qui sont en tout cas intéressés ou passionnés par cette campagne, vous savez qu'aux États-Unis, on dépense des millions pour des clips de campagne qui visent essentiellement à dénigrer l'adversaire. Et donc, pour prendre des chiffres d'il y a quand même quelques années, puisqu'on a, en tout cas les derniers chiffres ne sont pas tout à fait clairs, mais pour prendre l'élection de 2008, donc qui opposait Barack Obama à McCain, on estime à 2,6 milliards de dollars les dépenses en publicité. 2,6 milliards de dollars de dépenses en publicité durant cette campagne, vous imaginez. Donc, dont 2 milliards rien qu'en publicité à la télévision. Donc, on était bien sûr au début du rêve règne de Facebook et des médias sociaux, mais donc, il faut bien sûr s'imaginer qu'aujourd'hui ce chiffre est même bien plus important. Alors avec quelques exceptions, comme Donald Trump, qui a fait énormément de publicité à ses propres frais, mais vous avez bien sûr des groupes de soutien qui se nomment les PAC et les super PAC, qui sont des espèces de gros lobbies qui soutiennent un candidat, et qui eux dépensent des millions pour des clips de campagne, ce qu'on appelle en anglais des smear campaigns, donc des campagnes qui visent à dénigrer le candidat du camp opposé. Alors, donc on n'a pas ce phénomène-là, en tout cas en Belgique, on n'a pas en France non plus, puisque les campagnes et les frais électoraux sont, encore une fois, je disais tout à l'heure, contrôlés, cadenassés par la loi, et donc vous avez des seuils à ne pas dépasser. Donc, j'ai pas les chiffres ici exactement avec moi, parce que ça dépend, encore une fois, du score que vous avez fait dans une élection, et donc tout ça est proportionnel aux derniers résultats électoraux. Ce sera d'ailleurs très intéressant de poser ce genre de questions lorsqu'on aura les intervenants des partis politiques qui viendront nous parler ici directement pour dire combien ils dépensent en fait en publicité et aujourd'hui en contenu également publicitaire sur Internet, puisque c'est devenu aussi très important. Alors, on a déjà parlé de cette théâtralisation de la vie politique à travers les médias, à travers la télévision. Et ce que vous avez déjà observé, et encore très récemment, c'est que souvent les grandes annonces, les grandes décisions politiques sont annoncées au moment du JT. Comme par hasard, le JT arrivera au bon moment à l'Assemblée, à la Chambre des représentants, au moment où le Premier ministre est en train de parler et annonce effectivement sa phrase choc ou son idée qu'il défend. Un petit peu lorsque, dans un JT, on se branche sur Roland-Garros ou sur un match de foot, et juste à ce moment-là, il y a un goal qui est marqué ou la balle de match qui se déroule devant nos yeux. Donc c'est important, le timing, et on voit que ces annonces-là, donc le politique s'est calqué un petit peu, encore une fois, sur cet agenda dit du média. Alors maintenant, pour parler des émissions de télévision et des émissions politiques à la télévision, là aussi, grande évolution ou grande transformation au cours des décennies. Dans les années 70, vous aviez encore, même un peu plus tard, vous aviez encore des émissions qui duraient très longtemps, très sérieuses, où on laissait parler le leader politique pendant une heure, sans l'interrompre, avec quelques petites questions par-ci par-là, mais on laissait en gros dérouler son discours comme dans un meeting. Et c'était relativement solennel, c'est-à-dire que, en fait, on n'essayait pas trop de le contredisait, mais avec, bien sûr, des questions extrêmement, je dirais, recherchées et extrêmement documentées. Donc c'est par exemple des hommes de télévision et des politologues comme Alain Duhamel en France, qui connaît très bien la politique et qui, bien sûr, disposait aussi d'un bagage et d'une culture politique qui lui permettait d'interpeller les leaders politiques sur des points bien précis. Alors, les choses ont bien sûr évolué au cours des décennies, et donc on voit que, je dirais, aujourd'hui, de plus en plus, le genre pur, c'est-à-dire où vous avez un homme ou un débat politique pur pendant une heure, deux heures, est en train de disparaître. Hormis quelques exceptions, peut-être que vous avez suivi en France et que ces dernières années vous avez des paroles et des actes, là vous aviez effectivement des hommes politiques qui pendant une heure, deux heures parlaient et étaient confrontés à d'autres personnalités politiques, voire des sondeurs, etc. Mais sinon, globalement, on arrive plutôt à des sortes de dispositifs hybrides où vous avez en fait des émissions politiques avec une allure de magazine, de forum, où vous avez une confrontation de plus en plus évidente entre les représentants politiques et la société civile. Alors, donc, d'une certaine manière, ce qui compte dans cette histoire, c'est que le dispositif, quand je parle de dispositif, je parle du plateau, je parle de la manière dont les jeux sont présentés à l'écran, la table, où est assis le journaliste, où sont assis d'ailleurs les leaders politiques, où sont-ils debout. Tout ça, bien sûr, joue un rôle, et le plateau a plutôt tendance à s'imposer, en fait, au message, puisque on voit que les politiques sont plus que rarement confrontés, ou sont plus que rarement, si vous voulez, dans une situation de duel, Alors bien sûr, on a le cadre pour ceux qui, peut-être comme moi, ont dormi 3 à 3 heures cette nuit et ont suivi le débat, le troisième débat, ultime débat, heureusement, entre Clinton, entre Hillary Clinton et Donald Trump. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement classique. Donc vous voyez que d'élection en élection, ça ne bouge pas. C'est quasiment le même... je me demande si c'est, enfin, c'est probablement les mêmes pupitres. Hein, donc l'université pardon, du Nevada, donc à Las Vegas, qui met à disposition donc, ses auditoires pour ce débat avec des pupitres, effectivement, qui sont relativement... enfin, qui restent les mêmes. Donc là, j'ai pas l'image du débat d'hier, mais si vous regardez sur ceux qui sont connectés, vous allez voir que c'est plus ou moins la même chose. Donc tout ça a une importance. Hein, il y a quelques années, vous avez le fameux match entre Ségolène Royal en France et Nicolas Sarkozy, où là, les staffs respectifs de chaque candidat ont, pendant des heures et des heures, négocié la distance entre les candidats, c'est-à-dire la longueur de la table. Tout ça a une importance. Ou à la hauteur, où allaient être assis les candidats, donc trop haut, trop bas, tout ça a une importance. Vous avez aussi parfois la volonté de mettre à mal votre adversaire. Vous savez que Nicolas Sarkozy n'est pas extrêmement, enfin, je dirais, très grand. Et donc, là aussi, il y a une volonté de se rehausser pour Ségolène Royal et pour paraître plus imposante. Enfin, tout ça, c'est des, je veux dire, on est dans du non-verbal et dans ce qu'on appelle la proxémie, c'est-à-dire l'analyse et les stratégies liées à la distance interpersonnelle qui sont évidemment très importantes dans ce cas, dans cette configuration, en tout cas des débats à la télévision. Alors, autre chose, la fréquence des débats télévisés. Là aussi, on voit que au cours des dernières décennies, il y a eu aussi, des audiences, des débats les plus regardés qui diminuent. C'est-à-dire, avant, c'était des grandes messes. Kennedy contre Nixon, vous vous souvenez, on en avait parlé lors du second cours. C'était un événement national, c'était très important. Et on voit que les années passant, il y a de moins en moins de téléspectateurs. Alors hier, peut-être exception, enfin en tout cas pardon, cette nuit, exception, puisque le troisième match, presque de catch, je dirais, entre Hillary Clinton et Donald Trump, bien sûr, attirait beaucoup de curieux. Donc là, évidemment, peut-être qu'il y a une recrudescence, mais peut-être d'autres motifs que simplement de l'information politique. Alors, je disais que le décor avait de l'importance. Ce qu'on constate également ces dernières années, c'est que on a de moins en moins des leaders politiques qui se font face et qui se défient en fait à l'ancienne, mais on a plutôt des leaders politiques qui sont confrontés à qui se situent dans un décor en face. Vous savez, comme dans les théâtres antiques, hein, où vous avez l'homme politique qui est en contrebas, et puis vous avez, c'est comme si bon, j'étais ici en bas, et qui fait face à l'audience. Et donc on est finalement dans l'opposé de l'estrade en meeting, où là, en général, le leader politique surplombe son audience et le public. Donc là aussi, ça dit quelque chose sur le rapport qui s'est peut-être inversé entre les intervenants et les personnes qui interpellent le politique. Et puis le politique qui a peut-être perdu un petit peu de sa superbe et qui est remis en fosse, je dirais, par rapport, je dirais, à l'estrade politique traditionnelle. Donc, et alors on voit que souvent dans ce type d'émission, on fait appel à des panels citoyens. Vous vous souvenez le cours sur les sondages, où je vous disais que cette illusion parfois de représentativité que l'on retrouve dans les échantillons des sondages, et bien on le retrouve aussi parfois dans les émissions de télévision où on va dire, écoutez, vous allez faire face à un panel de citoyens choisis selon des critères sociodémographiques. Vous allez avoir des retraités, des jeunes, des personnes au chômage, des personnes d'origine immigrée, des mères célibataires, etc. Et qui sont censés représenter la société dans son intégralité. Un petit peu comme je disais qu'on a ici, si je prends un sample, hein, si je prends une petite partie de l'auditoire, je dois avoir une sorte d'image parfaite du reste des gens présents dans cette salle. Donc bien sûr, il y a aussi une forme d'instrumentalisation de cette pseudo-représentativité mais ça donne, encore une fois, une sorte d'illusion scientifique, et ça rassure, bien entendu, les chaînes de télévision et le politique. Alors, avant de passer à quelques exemples, il y a un autre, d'autres éléments dont il faut bien sûr se tenir compte, c'est que le politique est également confronté à une contrainte majeure, c'est l'inexorable pression du format court. Donc je vous disais que dans les années 70, et finalement il y a 20 ans encore, vous aviez la possibilité en tant que leader politique de vous exprimer plus ou moins longtemps. Donc c'est-à-dire d'argumenter et de dérouler pendant 2, 3, 4 minutes, 5 minutes des idées. Ça paraît long. En fait, c'est pas long lorsque vous venez vraiment être précis sur des points du programme ou sur vos idées. Il y a peu d'espace médiatique qui vous permettent de faire ça aujourd'hui. Si on prend l'exemple du débat des primaires en France la semaine dernière, les leaders politiques avaient à chaque fois une minute pour s'exprimer. Une minute. Et 30 secondes pour répliquer. Donc chronométrez-vous un jour et regardez ce que vous pouvez dire en une minute. Et si vous pouvez être convaincant en une minute. Et si vous pouvez être précis et, je dirais, bien illustrer vos propos. C'est compliqué. Hier, lors du débat, cette nuit, pardon, lors du débat Trump-Clinton, pour chaque question, il y avait 6 tranches, donc pour chaque question importante, les candidats avaient 2 minutes pour se prononcer. Donc c'est super court, hein, c'est extrêmement court, et là, encore une fois, il faut être performant d'un point de vue langagier. Et donc, le format court est important, et il faut bien sûr s'adapter en tant que leader politique à cette accélération du temps médiatique. Alors, je vous disais qu'il y a un autre problème, on en a déjà un tout petit peu parlé ces dernières semaines, c'est qu'on a de moins en moins de place ou de temps ou d'envie d'assister à des émissions de politique pure, et on est plutôt dans une sorte de mélange des genres entre des émissions, je dirais, d'information politique et de confrontation des idées, et des émissions de divertissement. Donc un mélange des genres. Typiquement, c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on a déjà retrouvé il y a une quinzaine, vingtaine d'années, avec, pour ceux qui s'en souviennent, les émissions de Thierry Ardisson, où vous aviez des leaders politiques qui étaient assis à côté de chanteurs, de stars du petit écran, de people, etc. Le but étant de capter votre attention et de ne pas vous ennuyer, et de temps en temps, demander l'avis aux politiques présents sur des questions de société. Mais avec un ton un petit peu humoristique, avec beaucoup de dérision. Et donc, ce qu'on voit également, c'est que les leaders politiques sont progressivement passés de porte-parole, je dirais, d'un mouvement, porte-parole incarnant des idées, un programme fort, une idéologie, à des vedettes. Des vedettes politiques dont le rayonnement, c'est-à-dire leur performance à l'écran, leur notoriété, peut faire ou défaire la vie et le futur et le succès d'un parti. Donc vous avez des chercheurs comme en Italie, un chercheur qui s'appelle Mazzoleni, qui parle de pop politique, de politique à pop. Alors pourquoi ? Parce que finalement, on voit que cette évolution du politique, elle va avec une évolution générale de l'offre médiatique et d'une certaine dépolitisation des campagnes. Je vous parlais des marques politiques il y a quelques semaines, cette idée qu'aujourd'hui on vous vend davantage des marques que des contenus programmatiques forts, et bien là aussi on est dans une forme de dépolitisation, de désidéologisation des partis. Alors, je vous montrais quelques exemples, et je vous parlais de cette nuit blanche politique aujourd'hui. Alors, on avait d'un côté Hillary Clinton, et puis de l'autre côté, on avait Donald Trump. Alors, Donald Trump, pour ceux qui ont un petit peu suivi son ascension, il est surtout connu pour avoir été la star d'une télé-réalité. Donc, je vous laisse découvrir cela. J'essaie de vous laisser découvrir cela. City. It's the benchmark for success, where only the very best make it to the top. And in this town, the sky's the limit. Believe me, I know. My name Donald Trump, and I'm the largest developer in New York. I built a lot of buildings, but I also own golf courses, resorts, the Miss Universe pageant, the Miss USA pageant, and model agents. I even have a television show. Who loves the Apprentice? Altogether, I have over 100 companies. And when the first season of The Apprentice finally finished shooting, I was able to get back to my core business, real estate, and I've made some really incredible deals. You go from $2,000,095 down to $1,825,000. I'm giving you the job without the bond. Do we have a deal? We have a deal. Okay. I thrive on energy. Energy is what it's all about. I have great people that work for me. In fact, I'm flying back from Chicago where I just met with Bill Ransom. Last year I hired Bill because I thought he was the best candidate for the job, and today he's overseeing the construction of my new building in Chicago. All right, I'm on top of it. I'll get that done for you tomorrow as well. And now I'm ready to hire somebody new to run one of my many companies in the Trump Organization. I'm looking for someone who's smart. I'm looking for someone who's a leader. I'm looking for The Apprentice. This isn't a game, it's a 15-week job interview. And this time, I've invited 18 candidates to New York City for the chance to be my apprentice and learn about the world of big business. They come from all walks of life and from all over the country. Some have educations from the finest business schools in the world, Harvard, Princeton, Wharton. I know it. Others have only a high school diploma, but have proven their entrepreneurial skills in the workplace. From stockbrokers to business owners, hotel developers to real estate developers, venture capitalists to attorneys, they are the best and the brightest of what America has to offer. And they'll work on some of the most grueling tasks they've ever imagined. Last year, I had the candidate sell lemonade. This time, they'll work with some of the biggest companies in the world. Mattel, Pepsi, Levi's, Procter & Gamble, and many others. Companies that are worth billions and billions of dollars. I'm not playing games. These candidates will be in the big leagues. This is the chance for them to work for me at a huge salary, and maybe learn something, so they too can become a billionaire one day. New York City, it's where the American dream was born. And I want to give these 18 candidates a chance at winning the dream job of a lifetime. Who will succeed? Who will fail? And who will be the apprentice? Donc, vous voyez qu'on vient de là, et finalement, si on est... On n'a pas la distance, puisque c'est dans quelques jours qu'on va voter aux États-Unis pour élire le président, mais finalement on a affaire à un candidat de télé-réalité qui s'est perdu en politique et qui a transformé la politique en télé-réalité. Et il l'a fait avec, comme vous le savez, avec fracas et avec succès, en tout cas, côté républicain. Donc voilà le type de leader politique qui se trouve plébiscité aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'il maîtrise bien sûr les codes, mieux que quiconque, de la médiatisation, les codes de la télé-réalité, les codes de la dramatisation. Hein. C'est un tout petit peu grandiloquent, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais donc on voit que d'autres leaders politiques sont également, je dirais, biberonnés à la télévision. Alors je ne sais pas s'il y a des Italiens dans la salle, éventuellement, mais vous allez peut-être reconnaître la personne ici. Per comprare una vocale la A di Adone 4 vuole dare la soluzione se la 7 già vi dare la soluzione. Vengo da un piccolo paese in provincia di Firenze, Rignano sull'Arno. Brava Matteo. Faccio l'arbitro di calcio, come ho detto. Buono, c'è chi? Matteo Renzi. Voilà. Donc effectivement, Matteo Renzi qui était très très enfin, en tout cas qui aimait beaucoup les jeux de télévision, les jeux en télé dans les années 90 à mon avis, ou début 2000. Et donc là encore quelqu'un qui sait tout à fait et qui comprend tout à fait comment fonctionne la médiatisation. Alors cela n'a pas que, je dirais, des avantages pour les hommes et les femmes politiques, puisque cette standardisation, je dirais, de la médiatisation des leaders, c'est-à-dire qu'on les médiatise et on leur donne une place au même niveau que des stars de la télé-réalité, des people, des acteurs, etc., eh bien ça peut également éreinter leur capital sympathie, leur capital social, leur crédibilité, leur charisme. Et on a des cas, je dirais, où le politique, ou le candidat, la personnalité politique, se retrouve mise à mal par une personnalité absolument pas politique, c'est-à-dire qui vient d'un autre milieu, et donc qui, je dirais, se retrouve quasiment ridiculisé à l'écran. Donc là, je vous montre un dernier exemple. Aussi, d'abord, moi je trouve qu'il va être connu parce qu'il y a un côté rural. Et ça, je ne vais pas m'en cacher. Le rural est toujours payant pour la terre. Il y a le côté accent, le côté mode. Moi, je suis toujours admiratif. Le lieu commun, de dire les petits, c'est admirable. Vous vous confrontez depuis des jours et des jours à des problèmes qui nous dépassent, à moins que ce soit des gens exceptionnels. Et pour un mec moyen, je te jure, ça nous dépasse. On sait plus où on en est. On sait plus trop quoi. Moi, je me fais Calvi tous les jours pour comprendre la série. J'y comprends. C'est comme un non, mais je sais d'accord avec Fabrice. Mais nous, on est très proches tous les deux. On va avoir une histoire un jour ou l'autre. Moi, j'essaie de regarder Calvi. C'est comme la crise financière. On a du mal. On est comme des personnages de santé. Maintenant, il y a la Syrie. Alors, là, c'est assez brillante l'intervention de madame et de monsieur, qui des fois ont un ton avec les politiques qui m'énerve un peu, parce que j'aurais envie de leur dire « calme un peu, toi ». Non, mais j'ai jamais compris comment les politiques ne les ont pas dit « tu vas te calmer, toi, je suis ministre, je peux te mettre en taule ». Tu vois, j'ai jamais compris. Lui, c'est rural, c'est... Il y a des problèmes énormes. On a bien compris, on est tous là avec des visages. On a peur que la caméra arrive parce qu'on se dit merde si on nous voit. Décroché, on est comme à l'école. Là, il y a du gros. Alors là, on se dit peut-être que Zaz, grâce à ça, à son militantisme, aura une société meilleure. C'est un peu ton but. Mais je suis pas tout seul. Hein. T'es pas tout seul. C'est pour ça que tu as un appel, tu vois. Mais je trouve que vous, monsieur le ministre, vous avez été remarquable. Et que madame, vraiment Rebecca et monsieur Caron, ont été remarquables. Et je crois que. Parce que vous êtes les mains dans le cambouis. Si nous, demain matin, au lieu d'aller reprendre mon hélico, je suis sur un tournage avec une meuf énorme, mais si on nous demandait de bien régler le problème Syrie, même avec Caron et Rebecca, lui dirait, je suis végétarien, je suis de gauche, ok, bon. Rebecca dirait, la nuance, rappelons-nous, unique, Belkacem, c'est des bourdes. Je l'ai dit à Hollande pour le Belkacem, elle est trop indignée. Il y a un problème Belkacem. Il y a énormément de problèmes dans ce gouvernement, mais je voudrais qu'on soit ensemble et de gauche. C'est ça que j'essaie de vendre, pas tout. Avec notre amie qui fait une pièce de théâtre assez rare, Zaz. Vous l'aimez ? Oui. Parce qu'elle fait partie de la société civile. Elle a déjà été dans les Landes. Et à la santé pour la gauche. Oui. Parce qu'elle est de gauche. Alors, est-ce que la droite aurait fait mieux ? Voilà, moi je vous pose la question. J'aime bien en vous le côté Raymond Barre, moins dépressif. Attention, Hollande doit vous aimer. Vous n'êtes pas des fous de la teub. Vous n'êtes pas des impulsifs. Vous êtes des hommes de la déconscience. Il y a des gens qui parlent de Balzac. Non, ça peut être un gros guetard. Si on peut être un gros guetard sans être dans son métier, il n'est pas dans une libido désorganisée. Son métier l'empêche d'être dans la libido désorganisée. Moi, je peux dire que c'est pas de la rigolade et revenons aux choses sérieuses parce que le côté on ricane, on va se calmer tous. Ça détend encore. Oui. Donc, j'ai laissé l'extrait parce que vous voyez effectivement que non seulement, bon, Lucchini, c'est Lucchini, mais il est en train de manger complètement le temps de parole du ministre. Et vous voyez dans quel engrenage se retrouve en fait le représentant du gouvernement et en fait n'a même pas la possibilité de se défendre, ou n'a pas les armes en tout cas pour se défendre face à un Fabrice Lucchini. Et donc, je dirais qu'il y a des éléments qui sont très importants, c'est dans cette présence du politique en télévision, et bien sûr la prestation télévisée qui est très, très, qui devient importante, c'est-à-dire un homme politique doit bien passer. Il doit bien passer, il doit maîtriser les codes, il doit se défendre, et c'est là qu'on dira de lui qu'il a fait une bonne prestation. Alors, on dira de lui qu'il est médiagénique. Alors, vous connaissez bien sûr le terme télégénique, hein, mais médiagénique, c'est-à-dire qu'il a choisi le bon média, qu'il passe bien dans tel média, qu'il est performant. Et donc, c'est la manière de se réaliser en choisissant le partenaire médiatique idéal. Donc, et médiagénique, si je résume, l'homme ou la femme politique qui passe bien dans tel ou tel média. Donc, il y a une sorte de compétence à acquérir, de rigueur également, de concision du langage, qui n'est pas donnée à tout le monde. Hein, et donc, le pauvre Vidalès, qui est donc le ministre, je pense, secrétaire d'État, ministre de l'Agriculture du gouvernement Hollande, il n'est pas armé pour ce type de plateau ou de confrontation. Alors donc, vous voyez, on est aujourd'hui dans le règne du orbiste, voilà, mais pardon pour la définition, qui est ici, il l'aurait de toute façon dans les notes. Donc on est dans le règne du orbiste. Certains diront qu'on est passé, on a basculé dans une politique people, hein, on l'a vu avec Donald Trump, ou de pit politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait des politiques, on fait des leaders, des people comme les autres. Donc ça a aussi des conséquences, et donc c'est une notion qui est d'ailleurs fortement recherchée, qui débouche sur des études également, sur cette fameuse personnalisation du politique, sur cette peopleisation. Et donc on a des phénomènes qui ne sont pas bien sûr limités aux États-Unis. On le voit bien également en Belgique, hein, avec des hommes et des femmes politiques qui n'hésitent pas à se mettre en scène, ou qui n'hésitent pas à sortir, je dirais, de leur domaine purement politique, des agora, c'est-à-dire de la Chambre des représentants ou des débats purement politiques, pour se donner pour lisser leur image, ou pour façonner leur image de marque et paraître encore une fois plus performant médiatiquement. Et quand je vous disais du mélange des genres, vous avez bien sûr aujourd'hui aussi une tendance lourde de retrouver ces hommes et ces femmes politiques dans des contenus médiatiques, dans des émissions qui ne sont pas du tout destinées à la parole médiatique, ou qui ne sont pas une arène démocratique. Et typiquement, vous avez des leaders, que ce soit du côté francophone ou du côté nordophone, qui participent à des émissions de quiz, hein, de questions-réponses, etc. Donc vous connaissez bien sûr, pour les Belges qui sont ici, Bart De Wever, donc leader de la NVA, l'homme fort, véritablement en tout cas en Flandre, et leader du parti NVA, eh bien, il s'est en fait révélé à travers cette médiatisation, presque cette présence continue dans un format non politique. Donc, dans cette émission, Slim Semel Stenwild, donc l'homme le plus intelligent du monde en Flandre, et qui va, je pense, gagner, ou il est arrivé finaliste, enfin, on ne sait plus très bien. Et pour la petite histoire, en ce moment, c'est Raoul Debo, le leader du PTV, qui gagne, ou en phase de gagner cette émission. Donc il y a une sorte de passage obligé par la case pipolisante, si vous voulez, par la case divertissement, pour démarrer, pour lancer votre carrière au niveau national, et pour développer cette notoriété, ce capital sympathique qui dépasse largement vos compétences purement politiques. Hein, donc, et si vous ne le faites pas, ben, vous retrouvez effectivement, c'est les Lucchini ou d'autres qui vont vous ridiculiser, parce que vous n'êtes pas tout terrain. Vous êtes simplement bon, peut-être, et encore, on ne sait pas, dans votre domaine, mais sinon, vous ne passez pas en tout cas le test de la médiatisation. Alors, avant de vous laisser respirer, donc faire une petite pause, simplement, l'enchaînement avec l'étude de cas. Donc, je parlais du Front National et simplement pour vous dire qu'il y a un auteur qui est très, très intéressant et que je vous invite, en tout cas si vous ne le connaissez pas, à découvrir, non pas pour ses derniers ouvrages plus politiques et sur la situation de la religion ou des frontières, etc., mais avant tout pour son travail de médiologue, d'analyste des médias, médiologue, donc sociologue des médias, si vous voulez, Régis Debray, qui, dans son cours de médiologie générale, a vraiment analysé cette transformation du champ médiatique, cette transformation également des techniques de médiatisation, et ce qu'elle disait également sur nous. Donc, c'est-à-dire que les médias et les médias que l'on choisit pour communiquer en société vont avoir un impact sur nos relations sociales, sur la manière dont nous allons choisir le leader, sur la manière dont nous allons interagir, bien entendu. Donc on va voir que cette médiologie, comme cadre conceptuel, est importante. Et juste pour vous donner deux, trois concepts, en médiologie, l'un des concepts primordiaux, c'est la notion de médium. La notion de médium, c'est en fait la langue, si vous voulez, qui est utilisée, le support qui est utilisé par, en majorité par les utilisateurs, par les personnes qui communiquent en fait entre eux. Et donc par exemple, Debray va analyser le rapport entre toutes les utopies politiques, par exemple les utopies socialistes, et nous raconter en fait que la plupart des grandes figures idéologiques de la gauche, du révolutionnaire, du communisme, etc., avaient tous un rapport plus ou moins lié au métier du livre. Donc Proudhon, Mao, etc., étaient des professionnels du livre au départ, donc des gens qui travaillaient dans l'édition, etc. Donc il y a un rapport très fort au médium. Alors, donc ce médium, si vous voulez, c'est le support. Et puis, la spécificité de la médiologie, c'est de nous dire que l'humanité, comme humanité communicante, a traversé un certain nombre de médiasphères, donc de sphères de médiatisation. Alors, c'est pas aussi compliqué que ça sonne peut-être, mais c'est cette idée que durant son histoire, nous sommes passés à travers différentes ères humaines, époques humaines, déterminées par les techniques principales de communication, une technique principale de transmission des messages. Et donc, on est passé, nous dit Debray, de la logosphère, donc c'est la sphère de l'écriture en fait, à ce qu'il appelle ensuite la graphosphère, donc c'est au moment de l'arrivée de l'imprimerie, etc., qui va bien sûr avoir un impact sur la circulation des écrits, on en avait parlé au premier cours. Et on arrive au XXe siècle à une autre révolution très importante, la vidéosphère, donc la sphère de l'audiovisuel. Et à cette liste, on pourra ajouter par la suite, d'ailleurs d'autres auteurs en médiologie le feront dans les années 2000, ce qu'ils appellent l'hypersphère, donc la sphère d'Internet, hein, la sphère des réseaux sociaux, la sphère du numérique. Et donc à chacune de ces sphères, de ces médiasphères, correspond bien sûr un médium dominant. Hein, donc l'écriture, je le disais, l'écrit, les journaux, etc., la télévision, et puis peut-être aujourd'hui Internet. Donc on va le voir dans un instant avec l'exemple du Front National, c'est que la médiologie, dans l'angle que j'ai choisi pour aborder le Front National, c'est pas vous faire une histoire des idées du Front National, enfin je serais très heureux de vous le faire, mais peut-être pas dans ce cours-ci, vraiment de ces corrélations, de cette relation qu'a d'un côté un leader politique, qui est à l'époque Jean-Marie Le Pen, avec ce qu'on appelle un corpus symbolique, c'est-à-dire une idéologie, la doxa, vous savez, c'est l'ensemble des idées qu'il défend, qu'il véhicule, et un système technique de communication. Et ce système technique de communication qui a fait le succès du Front National, c'est la télévision. C'est clairement la télévision. Donc on verra ça dans un instant, après une petite pause.